Ça c'est le digital, c'est normal. Bastien appelle Bastien. Attention, victoire musicale en faveur d'un petit au bout la formation du digital. Yeah. En principe.